Dream or mood? Shine like a star, star in the sky. This sky is too much. Home stud casque, branche-moi au mic. Comme dans Street Fight, j'suis vendu dans mon mic. We're working hard every day, rien à foutre de ce qu'ils disent. On garde la meilleure des promos. ATM 3 te met en crise. Look at me here, j'essaie, mashallah, je veux que tu sois soumise. Je suis fier, par la terre. Tu nous rayes, on va te plaire. Parfait sera le jour, même un cap est pas putain. Demain je parlerai latin, latin. On travaille toujours dur, tout ça pour qu'après on plat. Ah ouais, we walk, we don't play. We every day, day. That's work, we killing. We make it hot and chilling. We break it back, make it hot. Yeah, you know we really. That's work, that's work. Punchline de rappelé, passe-moi des jambes fêlées. Pas de roi pour une couronne dilée. That's work, that's work. This is work. Tout ce qu'on veut c'est à l'vogue. Ton travail paiera plus si seulement t'étais à la mode. Deux mixtapes en deux ans. Bref ton travail en dix ans. Et t'es voulu contre le vent. Tu nous rattraperas qu'en rêvant. Tu te feras de la peine hein. Au moins ça vaut le coup. Tu comprendras plus tard frère que this is how we do. MC tu traînes trop dans la surface. Inzaghi S-Easy vise direct la licarne. Balotelli. Yeah. S-Z in the house. J'ai on t'a dit. ATM3. Yeah. Last of Bartanaya. ATM3. That's work. We killing. We make it hot and chilling. We break it back, make it hot.